tout de suite et jusqu'à 14h, cette histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. On voit les Arabes portant dans leur turban une sorte d'épi de maïs. C'est cette fleur d'oubli qui répand pendant de longues semaines ce parfum étrange. Cette semaine, l'Arabie Saoudite. Moi, je suis l'idéologie, et toi, tu es le bras armé. Fondation. L'Arabie abrite les deux principales villes saintes de l'islam. Et transformation. Nous allons voir ce que les Américains peuvent faire en apportant leur technique dans les sables d'Arabie. Une immuabilité en mouvement. De toute évidence, le roi Saoud n'était pas à la hauteur. Et qu'il devrait qu'on pratique l'esclavage en Arabie Saoudite. Vous avez ces 6000 personnes qui sont les propriétaires du pays. Ladies and gentlemen, the man that you all would like to hear from is Royal Highness Prince Mohammed bin Salman. Je me suis dit que s'attaquer à un dictateur qui était un ami de l'Occident, c'était tout à fait intéressant. Et je dois dire, j'ai pas été déçu. Il y a sur les rives du golfe Persique 12 principautés, royaumes, émirats et sultanats. Koweït, Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, les 7 états de la côte des pirates, le sultanat de Muscat et Oman. C'est la partie orientale de la péninsule arabique. Ce désert, le plus grand du monde, situé entre la Perse et l'Afrique. Une péninsule en trapèze bordée au nord par l'Irak et la Jordanie, à l'ouest par la mer Rouge, au sud par l'océan Indien et à l'est par le golfe Persique. Nous sommes ici, au berceau même de la civilisation arabe. L'Arabie Saoudite a échappé au statut d'île. Mer Rouge, mer d'Aden, golfe d'Oman, golfe Persique, autant de masses d'eau qui imposent à la Terre sa limite. Le tropique du Cancer qui transperce la péninsule réserve autant à ceux qui s'y hasardent qu'aux autochtones des amplitudes thermiques formidables. Le chaud alterne avec le froid à l'intérieur des terres. Le littoral baigne dans une atmosphère quasi liquide. Et pourtant, le problème éternel de ce pays mystérieux de désert et de sable, de ce pays grand comme l'Europe occidentale, c'est l'eau. Cette terre, ces sables n'ont qu'une réserve, aujourd'hui encore et pour les prochaines décennies, une réserve des plus convoitées, l'or noir. Il y a, sur la côte d'Arabie, à peu près 200 kilomètres du Bab el-Mandeb, une forêt unique au monde, une forêt de palmiers, un palmier semi-aquatique, dont la fleur répand un parfum euphorique, un parfum qui endort, la fleur d'oubli. C'est ainsi que l'appellent les Arabes. Et vous verrez, on peut voir, quand on va dans les pays environnants, à Djibouti, même fort loin, même jusqu'à Zanzibar, on voit les Arabes portant dans leur turban une sorte d'épi de maïs. On dirait un épi de maïs, c'est cette fleur qui répand pendant de longues semaines ce parfum étrange. Lorsqu'on s'endort sous cette forêt, eh bien, je ne dirais pas qu'on ne se réveille plus, mais on oublie qu'on a des choses à faire et on reste là indéfiniment. C'est une fleur dont nous aurions bien besoin, peut-être, à l'heure actuelle. Depuis le 11 septembre 2001, on ne regarde plus l'Arabie Saoudite comme Henri de Montfred. À bord des 4 avions venant percuter les États-Unis, sur les 20 terroristes, 15 sont saoudiens. L'Arabie Saoudite est d'abord, en premier lieu, le premier gisement de pétrole du monde. Claude Feuillet, journaliste. 25% des réserves prouvées de pétrole se trouve en Arabie Saoudite. 25%, c'est énorme. Et à partir de là, pendant des années, on a complètement occulté le problème intérieur à l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ce régime? Sur quoi est-il fondé? Quelles sont ses bases sociales, etc. Quand on parle de ce pays, on parle en fait d'une petite caste d'environ 4 à 5 000 personnes qui sont les enfants, les membres de la famille royale, 6 000 à tout casser. Et vous avez ces 6 000 personnes qui accaparent, qui sont les propriétaires du pays. L'histoire commence en 1744, avec l'apparition d'un prédicateur musulman, Mohamed Abdel Wahhab. Il se propose de pratiquer un islam pur et de regrouper tous les Arabes sous la bannière du Coran sur la terre natale du prophète. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur Wahhab qui était un propagandiste de la foi et qui était absolument indigné parce qu'il trouvait que les gens ne respectaient pas suffisamment l'islam. Par exemple, il était indigné par les pèlerinages. Le prophète était enterré à Médine, il y avait une tombe du prophète. La première chose que les Wahhabites ont fait quand ils ont fait la conquête de Médine, ça a été de détruire la tombe du prophète, parce que c'était un lieu de pèlerinage, tout ce qui est pèlerinage et superstition, et il n'y a de Dieu que Dieu, même le prophète n'est rien, vous voyez. Donc, si vous voulez, les Wahhabites sont des intégristes, des purs et durs. Alors, on observe la charia, qui est la loi sociale, telle qu'elle avait été décrétée par le prophète au cours de son existence. Seule, la force du glaive pourra permettre à cet islam de s'étendre. Un tel pari suppose des alliés. Mohamed Abdel Wahhab, pour imposer sa vision du Coran, se mettent en devoir d'en trouver un. Bon, les gens voyagent beaucoup à cette époque, beaucoup plus qu'on pourrait le croire, surtout dans la péninsule arabe, où les caravanes ne cessent de sillonner le pays. Et ce réformateur voyage, prêche sa réforme, il est assez mal reçu parfois, et il finit par arriver au cœur du neige, dans la ville d'Aïria, qui est le chef-lieu urbain, on pourrait s'exprimer comme ça, parce que le monde bédouin d'Arabie n'est pas un monde exclusivement nomade. Il s'articule autour de cités, mais de cités qui sont soumises au pouvoir qui existe dans le désert. Ce n'est pas la cité qui gouverne le désert, c'est le désert qui gouverne la cité. Le réformateur fait bientôt la connaissance d'un homme redouté qui répond au nom de Mohamed El Saoud. C'est un chef de tribu. C'est une tribu noble. La notion de charif chez les Arabes du désert indique une ascendance noble. Et donc il y a déjà une certaine structuration sociale, si vous voulez, ou distinction sociale. C'est une famille qui a une renommée, c'est une famille qui a une tradition de pouvoir, mais tout à fait locale. Et il trouve refuge chez lui, en fait, parce qu'il a été chassé de partout, il était absolument insupportable. Claude Feuillet, journaliste. Et il trouve refuge dans une petite tribu qui avait à l'époque 70 tentes. 70 tentes, mettons une dizaine de personnes par tente, vous voyez. C'était vraiment une petite tribu, 700 personnes à tout casser en comptant les vieillards et les enfants. Il trouve refuge là et il passe un accord. Il dit, moi je suis l'idéologie et toi tu es le bras armé. C'est-à-dire que le pacte qui a été conclu à l'époque, c'est que j'interprète, je donne la version la plus pure de l'islam, mais la version la plus pure de l'islam, c'était l'obéissance absolue au prophète. Et là, c'est l'émir, le chef militaire, qui devient, en quelque sorte, le bénéficiaire de ce dogme. C'est-à-dire qu'on lui doit, au nom de la religion, obéissance absolue. C'est un pouvoir local qui rencontre un réformateur qui sent bien probablement que sans un appui qu'on pourrait appeler politique, ne pourra pas faire valoir sa vision religieuse. Et Mohamed Ibn Saoud s'aperçoit aussi d'emblée, probablement, toute l'utilité, même s'il est peut-être converti sincèrement à la réforme wahhabite, comme on va l'appeler, voit probablement immédiatement toute l'utilité politique qu'il peut tirer d'une telle alliance religieuse. combattre les Ottomans, devenir maître de la péninsule arabique. Tel est le projet de cette coalition hétéroclite formée par Mohamed Abdel Wahhab et Ibn Saoud, le religieux et le guerrier. Devenir les maîtres d'un paysage mosaïque, d'une contrée où chacun est maître chez soi et cherche à imposer sa loi à l'autre. Unifier les tribus par le glaive, pour mieux les réunir après par la pureté de l'esprit. Il advient la mise en place d'une entité politique, appelons-la comme ça, et d'un mouvement, d'un dynamisme qui va porter la réforme religieuse tout en établissant un nouvel ordre politique et social en Arabie centrale. Yves Besson, historien. Cet ordre, ce nouvel ordre politique et social, s'appuie sur la réforme religieuse d'Abdul Wahhab pour imposer l'ordre parmi les tribus d'Arabie centrale, dont les traditions antiques consistaient à faire des razzias, à se faire la guerre, à faire des alliances, défaire des alliances, etc. Donc c'était, si vous voulez, une situation d'agitation permanente, chronique. Mais cette alliance entre le réformateur et le pouvoir des Saouds permet, au nom de l'islam, d'imposer un ordre social et de le porter aux confins de la péninsule. Leurs débuts sont rapidement couronnés de succès. Il faut peu de temps à Ibn Saoud et à ses guerriers pour contrôler la majeure partie de l'Arabie saoudite et gagner chaque jour du terrain. Mois après mois, ils remontent en direction de la Jordanie. Effectivement, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, d'abord, il part vers le nord, donc du côté de Damas, effectivement, pratiquement jusqu'aux portes de Damas, dans ce qu'on appelle le Badiat al-Sham, c'est-à-dire le désert syrien, si vous voulez, mais c'est pas tout à fait un désert, où c'est le croissant fertile. Disons qu'ils pénètrent dans le croissant fertile, presque jusqu'à Damas, où ils font payer tribut, et où le signe de soumission, c'est l'allégeance. Donc on fait allégeance à la fois à la famille Saoud, au pouvoir des Saouds, et allégeance à la réforme qu'on appelle, nous, wahhabite, du nom du réformateur. Maintenant, plus tard, en même temps ou dans le même mouvement, les Saouds vont porter cette réforme et cet ordre saoudien, si on peut l'appeler comme ça, jusqu'en Mésopotamie, et à Bahreïn, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Émirats du Golfe, jusqu'en Oman, où là, évidemment, ils se heurtent aux Kharijites, parce que l'islam omanais est un islam très spécifique, très particulier. Et curieusement, d'ailleurs, ils éviteront le Yémen, et une question que j'avais posée à un Saoudien très âgé qui avait bien fréquenté le roi, donc à Abdulaziz Ibn Saoud, il m'avait dit « Oh, Abdulaziz n'a pas voulu porter ses armes ou conquérir le Yémen parce qu'il n'allait pas là où les chameaux ne pouvaient pas aller. » À Istanbul, le sultan ne tarde pas à s'inquiéter de cette montée insistante et de ces conquêtes trop rapidement menées. Il n'est pas le seul. Cette doctrine rigoriste du wahhabisme, diffusée à présent dans presque toute l'Arabie, à mesure que s'étend un premier état saoudien, en inquiète plus d'un. Les Ottomans s'inquiètent de cette poussée sortie des déserts d'Arabie centrale qui est porteuse de contestations, puisque la réforme wahhabite ou le wahhabisme, ou cette forme d'islam très pure, purifiée, est une force de contestation formidable par rapport à leur pouvoir. Le pouvoir d'Istanbul est perçu par les wahhabites comme un pouvoir complètement corrompu, comme un islam dégénéré, et donc qui est à abattre à la limite. Bien que probablement à cette époque, la famille Saoud sait très bien qu'elle n'a pas les moyens de se heurter au pouvoir ottoman jusqu'au-delà d'une certaine limite territoriale. Maintenant, à l'est, évidemment, commence, donc dans le golfe arabo-persique, le début de la domination britannique qui, par son action politique, par l'apparition de quelques canonnières, installent un pouvoir qui va devenir colonial ou protectorat dans ce qu'on appelle les Émirats de la côte du golfe arabo-persique. Donc les Saoudiens sont tenus ou petit à petit refoulés vers l'intérieur de la péninsule par les Britanniques. Il y a un double endiguement vis-à-vis de ce pouvoir saoudien. Il y a l'endiguement des Turcs et l'endiguement des Britanniques. mais d'autres conflits se jouent en dessous. D'abord celui opposant la France et l'Angleterre, qui cherchent chacune à s'imposer dans cette région. Jouant ensemble ou concurremment avec cet empire ottoman, baptisé par le prince Alexandre Gortchakov, chancelier d'empire et ambassadeur du tsar, d'homme malade de l'Europe. La France, elle, soutient les chrétiens du Liban, tandis que l'Angleterre accorde sa protection à des émirs du littoral du Golfe. Une bataille est à gagner pour une implantation stratégique. On ne fait pas cela pour la richesse du sol. À l'évidence, ces terres privées d'eau sont un endroit du diable, mais leur emplacement est primordial. Dans ce domaine, la fin justifie les moyens. Les alliances sont au service de chacun. Il va naître plus précisément de la trahison des Anglais. Claude Feuillet, journaliste. Qui ont utilisé les tribus arabes en disant « Vous nous aidez et vous serez indépendants ». Alors que Saoud, pendant ce temps, lui, était gouverneur de l'Arabie pour les Ottomans. Lui, il n'était pas du tout indépendantiste. L'alliance de l'islam et du sabre voit ainsi naître le premier État jamais apparu au cœur du désert arabique. Mais sa réalisation forcée le rend fragile, chaotique. Sa disparition déjà perceptible. Le premier royaume s'effondre, mais la relève arrive peu après, avec un descendant fort prometteur. Ibn Saoud, qui est, par son père, un descendant du grand Saoud du début du XIXe siècle. Jean-Claude Favet, historien. Va effectivement, entre le début du XXe siècle et la guerre de 14, reprendre les armes pour unifier autour de Riyad et donc du berceau des Wahhabites l'ensemble de la péninsule arabique. En 1902, à 22 ans, Abdelaziz, petit-fils de Saoud, utilise les dissensions entre puissances pour reconquérir son royaume. Disons, cet épisode-là fait partie de la saga ou du mythe familial qui est évidemment répété et répété et qui a inspiré le pouvoir des Saouds tout au long du XXe siècle. Yves Besson. C'est la reconquête par une espèce de coup de force avec quelques compagnons contre les Rachides ou la famille des Rachides qui était une tribu rivale et qui leur avait pris Riyad. La reconquête dans un coup de force nocturne tentée par les escalades de murailles. Ils sont quelques dizaines de compagnons. Et ils prennent le palais, et après, Abdelaziz va de succès en succès, simplement parce que c'est un homme compétent. Il a un très grand sens politique, et il fait exactement ce qu'il faut pour commencer à reconstituer le royaume de ses pères, comme il l'appelle. Thank you. Britanniques vont mal supporter la lumière aveuglante régnant en Arabie et sans doute, en un cas, vont-ils en perdre la vue. Ils hésitent, tergiversent, sont d'avis opposés au sein même du Foreign Office. Sur quel homme compter dans ces si lointains déserts, se demande-t-on à Londres. Du côté d'Ibn Saoud, les épreuves révèlent l'homme. Il se montre un guerrier habile, un redoutable politique, usant de l'alliance et de la séparation selon son bon vouloir. Pour le moment, il n'a qu'un objectif: reconquérir les terres et restaurer la gloire de ses ancêtres. Ce chemin de reconquête, il ne le fait pas seul. Redonner sens au passé, c'est immanquablement renouer avec celui-ci et avec les alliés de son ancêtre. Ainsi, Ibn Saoud va unir son sort à celui des Irouanes. Le mouvement Irouan est un mouvement qui est collectif. On pourrait le comparer à un ordre monastique. Yves Besson. Un ordre monastique guerrier, toute proportion gardée, on peut penser aux chevaliers teutoniques, mais c'est évidemment une comparaison qui s'arrête assez vite. C'est un ordre guerrier, mais guerrier au nom de la foi, au nom de la religion. Ce qu'il demande, c'est ce qu'on appelle en arabe l'hijra, c'est-à-dire le départ. Le départ de quoi ? Quitter la vie qu'on a pour aller vers une autre vie. Entrer en religion, mais abandonner aussi ses allégeances tribales, c'est-à-dire ses liens claniques, ses liens familiaux, pour complètement devenir un individu, mais qui n'aboutit pas à l'individualisation totale, mais qui au contraire abandonne tout ce qu'il était pour adhérer à tout ce qu'il veut devenir. Donc le dépouillement total de l'individu et l'adhésion totale de tout l'individu, à la fois corps et esprit, qui abandonne toute son identité tribale, clanique, familiale, pour entrer dans des communautés, et là c'est étonnant, sédentarisées. C'est-à-dire des communautés qui s'adonnent à un travail communautaire, quasi monacal effectivement, d'élevage et de culture, mais qui seront aussi formées aux armes. Rien n'arrête les Irouanes. Grâce à eux, province après province, Abdelaziz Ibn Saoud recommence la conquête des vastes étendues de sable. Son rêve le plus complet serait de s'emparer du Hedjaz, le long de la mer Rouge, et de sa capitale, la Mecque. Le lieu saint de l'islam serait le plus beau joyau de sa couronne. En 1926, les Irouanes occupent la grande mosquée de la Mecque. Cette conquête du plus haut lieu de l'islam est décisive. Probablement, Ibn Saoud, se rendant compte qu'il était allé jusqu'au bout de sa stratégie, avait besoin de changer de stratégie quand il s'agissait donc de stabiliser à la fois son pouvoir dans la péninsule, s'attaquer à la famille hachémite qui contrôlait les lieux saints. Parce que, une fois les Turcs éliminés de la scène de la péninsule arabe, les lieux saints étaient devenus, en somme, enfin, étaient passés sous le contrôle du shérif Hussein et de la famille hachémite. La famille hachémite avait fait alliance avec les Anglais aussi pendant la guerre. Il se rend compte qu'il lui faut suractiver, en somme, ce qu'était le wahhabisme et le concrétiser dans ce mouvement qu'on a appelé le mouvement Irouan, ce qui est le mouvement qui signifie des mouvements des frères. Mais qui sont-ils, ces Irouanes ? À quoi ressemblent-ils ? Barbe longue, qu'ils s'interdisent de couper, vêtus de la façon la plus modeste qui soit, tout ce qui est superficiel est banni. Je veux dire, aucun étranger n'a visité les établissements Irouanes. Yves Besson. Par exemple, Dixon, qui était agent britannique au Koweït, en a rencontré, mais de façon tout à fait fortuite. Et ce qu'ils rapportent était qu'ils étaient totalement négligés ou d'une apparence assez repoussante, parce que pas de luxe, et une dévotion, un dévouement, une loyauté totale acquise à la fois à la famille Saoud et à la religion. Le mouvement Ikhwan était aussi structuré. Et ce mouvement avait pris énormément d'importance dans la deuxième partie des années 20. Et les Britanniques lui ont fait savoir que s'il n'était pas capable d'empêcher ces empiétements d'Ikhwan à la frontière entre le Koweït et l'Irak, c'est les Britanniques qui s'en chargeront. Et là, probablement, il sent le danger et il se range. Il devient un État, il accepte la notion de frontière. C'est-à-dire ceux qui vont s'y opposer, il va les combattre et même décapiter certains chefs. La notion de frontière est totalement étrangère à cette population-là, qui ne connaît en somme de points géographiques, si vous voulez, que les puits dans lesquels ils se ravitaillent en eau. Et donc la seule chose qu'ils savent, c'est que tel puits est sous domination de telle tribu. Le puits d'après, qui est à 20 km ou 40 km, encore qu'il ne compte pas les distances en mètres, mais il les compte en heures de chameau probablement, que ce puits est sous le contrôle d'une autre tribu et qu'il appartient à une autre tribu. Et que si on n'est pas de cette tribu, on n'a pas le droit d'aller y puiser, etc. Donc c'est un monde qui est complètement différent d'une autre et qu'il est difficile d'aborder avec nos concepts. Comment le chef de l'islam peut-il cependant envisager de partir en guerre contre d'autres musulmans? La seule issue pour Ibn Saoud est de gagner l'appui des oulémas, ces hauts dignitaires religieux considérés comme la conscience morale du royaume. Les oulémas donnent donc leur feu vert pour écraser les anciens alliés. Les Irouanes sont battus, la voie est dégagée, Ibn Saoud peut poursuivre son ambitieux projet. Demain, la suite de cette évocation réalisée par David Golan et mise en onde par Jérôme Nussbaum. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jérôme Nussbaum. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.